à la promotion du maréchal Kim Jong-un au poste de président du Comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste marxiste de l'Inde, Sitaram Yechori, lui a fait parvenir le 5 juillet un message de félicitations. Le destinataire a estimé haut tous les succès du peuple coréen obtenus dans la défense du socialisme contre les défis de toutes sortes des impérialistes et l'édification d'une puissance prospère suivant la direction éminente du maréchal Kim Jong-un. Il a souhaité de grands succès dans toutes les affaires du maréchal Kim Jong-un et s'est exprimé convaincu du développement continu des relations de deux parties.